Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, triple meurtre au Vatican. Le 4 mai 1998, se produit au Saint-Siège un événement qui, s'il n'avait pas eu lieu à cet endroit, aurait été oublié depuis longtemps. Trois cadavres sont retrouvés dans l'appartement du commandant de la garde suisse pontificale. Le coupable est tout trouvé, l'affaire vite réglée. C'est un règlement de compte entre gardes suisses et militaires au style Renaissance chargés de la sécurité du pape circulé. Mais vu le décor de l'intrigue, la machine du fantasme se met en route. Chaque détail, chaque incohérence, le plus petit faux pas, tout est décortiqué, scruté, analysé, toujours dans un seul but, montrer que la version officielle est un mensonge, une machination, que cette affaire cache les secrets les plus sombres du Vatican. Et si oui, lesquels ? Notre invité aujourd'hui, Frédéric Martel, journaliste, écrivain, producteur de l'émission Soft Power sur France Culture. Il est l'auteur de Sonoma, enquête au cœur du Vatican, publié chez Robert Laffont en 2019. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec Lina. Récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Lundi 4 mai 1998, il est 20h50. Hormis quelques fonctionnaires et les gardes suisses en faction, il n'y a plus grand monde qui se promène au Vatican. La place Saint-Pierre est vide, la basilique a fermé ses portes. Il fait encore jour, mais les premières lumières s'allument aux fenêtres, y compris celle de l'appartement de Jean-Paul II. Car à cette heure-là, le pape travaille encore. Les a-t-il entendus, les coups de feu ? Car à 20h50, ce lundi 4 mai 1998, 5 détonations déchirent le silence du Vatican. D'abord 2, puis 2 autres, un silence, et enfin une dernière. Elles viennent de l'appartement d'Aloïs Estermann, tout récemment nommé commandant de la garde suisse. Une sœur, affolée, s'y précipite avec un garde. La porte est entrouverte. La sœur et le garde s'arrêtent sur le palier, reprennent leur souffle. Puis, ils poussent la porte, doucement, laissant apparaître petit à petit devant deux, trois corps. Les murs sont tachés de sang. Aloïs Estermann gît au sol, touché par deux balles, mortel. Gladys Mesa Romero, sa femme, est morte, elle aussi. Le troisième corps est en position agenouillée, la tête penchée en avant. Derrière le crâne, il y a un trou béant. Cet homme s'appelle Cédric Toronet, c'est un garde suisse. Une balle lui est passée par la bouche, a traversé son crâne et s'est fichée dans le plafond. Son pistolet de service, un SIG P75 calibre 9,4, est coincé sous son corps. Son chargeur est allégé de 5 balles. Dans les rédactions de Rome, les vaticanistes sont des journalistes à part. Ils sont suspendus à chaque communiqué du Saint-Siège. Les audiences, les décès, les déplacements, la routine papale. La veille, le Vatican les a informés qu'Aloïs Estermann, jusque-là commandant par intérim de la garde suisse, était entré dans ses fonctions de commandant tout court. Mais en cette soirée du 4 mai, l'heure à laquelle leur téléphone sonne indique qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Joaquin Navarro-Valls, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, organise alors une conférence en urgence. C'est un homme d'une soixantaine d'années, la mèche grisonnante, les yeux malins et une voix grave qui pèse chacun de ses mots. De toute façon, l'institution du Saint-Siège n'a jamais été une démocratie et n'a jamais prétendu l'être. Tout est contrôlé, à commencer par la parole. Il est minuit quand, dans une salle comble, le DIRCOM du Vatican le révèle, Aloïs Estermann, commandant de la garde suisse depuis 24 heures, a été assassiné. Mais 3 heures après les faits, il donne déjà l'interprétation du Vatican. La hypothèse più fondata ed è quella di un raptus di follia. L'hypothèse la plus probable est celle d'un geste de folie né dans l'esprit d'une personne qui était convaincue de ne pas être suffisamment considérée au sein de la garde. Ce n'est donc pas un triple meurtre, mais un double suivi d'un suicide. L'État pontifical choisit de ne pas saisir les autorités italiennes alors que c'est l'usage dans les affaires graves qu'il fasse appel à elles. Mais le crime a été perpétré au Vatican. Il concerne des citoyens du Vatican. Il sera réglé au Vatican par le Vatican. C'est Gianluigi Marone, le juge d'État du Saint-Siège, qui en est chargé. c'est qu'en ces lieux si particuliers, on lave son linge sale en famille. Joaquin Navarro-Valls compte élu d'informer ou tout du moins de communiquer, et on en sait un peu plus sur le mobile. Cédric Tornet, 23 ans, avait appris dans l'après-midi qu'Aloïs Esterman lui refusait la Benemerenti, une décoration prestigieuse décernée aux gardes suisses exemplaires. Tornet, humilié, se serait vengé. À 19h30, peu avant les meurtres, il a fait passer une lettre à un ami chargé de la transmettre à sa mère. J'espère que tu me pardonneras, car ce que j'ai fait, ce sont eux qui m'ont poussé. Cette année, je devais recevoir la Benemerenti et le lieutenant-colonel me l'a refusé. Après 3 ans, 6 mois et 6 jours à supporter toutes les injustices, la seule chose que je voulais, ils me l'ont refusée. J'ai juré de donner ma vie pour le pape et c'est ce que je fais. Je m'excuse de vous laisser tout seul, mais mon devoir m'appelle. Dis à Sarah, Melinda et papa que je vous aime. Gros bisous à la plus grande des mamans du monde, ton fils qui t'aime. Annonce d'immobile, annonce du suicide, cette lettre condamne Cédric Tornet. Car il s'agit de trouver quelque chose, quelque part dans son corps, qui prouve que son comportement était anormal. Cet homme était déséquilibré, forcément, d'ailleurs. Dans son cerveau, les médecins légistes trouvent un kyste gros comme un œuf de pigeon, disent-ils. Comment voulez-vous qu'avec ça, il ait un comportement normal? Et ce n'est pas tout. Dans ses urines, on trouve des traces de cannabis. La preuve, il y a des mégots de joint dans sa table de chevet, 24 en tout. Le Saint-Siège invente au passage le cannabis agressif, la beuh criminogène. Mais cette version ne convainc pas tout le monde. Interrogé sur France Inter en 2005, Giovanni Saluzzo, qui se présente comme un ancien agent des renseignements du Vatican, émet de sérieux doutes. Je suis persuadé que le Saint-Siège est convaincu que c'est faux. Il le sait. Et il le savait le soir même. Et il s'est entêté à maintenir cette version des faits. Si le Saint-Siège ment, c'est que parmi les victimes de ce triple drame figure également Aloïs Esterman. 1m90, le visage sévère, la mâchoire carrée, celui-là s'est engagé dans la garde en 1981. Il a appris à laver sa collerette en dentelle, à repasser sa tenue bouffante à rayures bleues et rouges, à brosser la plume d'autruche de son casque et à marcher au pas avec une hallebarde. La garde suisse est joliment désuète. Les gardes et leurs officiers gagnent très peu d'argent. Ce métier est également un sacerdoce. Alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser Esterman à s'engager dans cette armée de 100 mercenaires? Eh bien la foi d'abord et avant tout. Les gardes suisses sont au service personnel du pape depuis 1506. Ils sont sa garde prétorienne. Esterman est profondément croyant. Il pourrait donner sa vie pour Jean-Paul II. Et ce n'est pas une parole en l'air. Le 13 mai 1981, alors que le pape profite d'un bain de foule sur la place Saint-Pierre, un Turc du nom d'Ali Akka lui tire dessus. C'est la garde suisse qui assure sa sécurité. La légende dit que ces hommes ont un tel respect pour le pape qu'ils ne lui tournent jamais le dos. Évidemment, quand on est chargé de protéger quelqu'un, c'est un problème. Quoi qu'il en soit, le jour de l'attentat, Esterman se jette sur le pape pour le protéger. Il raconte. J'étais en effet positionné juste derrière la papamobile, sur la place qui était noire de monde, au milieu de tous les croyants. C'est le genre de moment où on n'a pas le temps de réfléchir, mais on doit absolument réagir. Et j'ai voulu tout de suite m'interposer pour protéger le pape et son secrétaire. De cette aventure naît une amitié. Le pape reconnaît en Esterman un appui d'une rare loyauté. Il le fait entrer dans le cercle de ses très proches. Depuis, Esterman accompagne le souverain pontife dans ses vacances, à Castel Gandolfo, au sud de Rome, et dans les Dolomites, l'été. Et c'est tout naturellement qu'il devient le numéro 2 de la garde suisse. Puis commandant par intérim en 1997 et commandant permanent le dimanche 3 mai 1998. Cédric Tornet, l'homme que le Vatican désigne comme le meurtrier, entre lui dans la garde en novembre 1994, alors qu'Esterman en est le numéro 2. Il remplit toutes les conditions d'abord. Il est citoyen suisse, il est baptisé, il a fait sa communion et son service militaire. Il possède une lettre de recommandation d'un prêtre, un certificat qui garantit qu'il est célibataire. Et il mesure plus d'1m74, taille minimale pour entrer dans la garde. Quand Tornet pose le pied sur le sol italien, à 20 ans, une voiture l'attend et le conduit à la caserne, derrière le palais apostolique, à l'entrée de la porte Sant'Anna. Il apprend à manier la hallebarde et à connaître les moindres recoins du palais. Stéphane Sapin, ancien garde suisse, écrit. C'est dans le palais apostolique que la garde suisse pontificale a l'honneur de travailler. L'antre du siège, la Maison Blanche et le Pentagone du Vatican. C'est là que se trouvent les appartements du Saint-Père. C'est dans ces couloirs riches d'une histoire étonnante que nous passons nos nuits et nos journées à veiller qu'aucune personne non autorisée n'entre dans ces murs. C'est d'ailleurs sans doute pour cette raison que notre uniforme aussi coloré que les loges ne jure pas dans ce superbe décor. Pour un militaire qui fait des rondes, il y a pire endroit que le Vatican. Pensez donc, ici, le garde suisse passe ses nuits avec tout ce que le souvenir de l'humanité compte parmi les plus grands génies et leurs œuvres. La nuit, avec une torche électrique, il se retrouve seul, ainsi, face à la Pietà de Michel-Ange, à la Tentation du Christ de Botticelli, et dans les chambres de Raphaël, ces salles de réception ornées des fresques du maître et de ses élèves. Passé les chambres, il entre dans la chapelle Sixtine, lève les yeux sur la voûte de Michel-Ange, puis il parvient à la chapelle Paolina, où s'offre à son seul regard des fresques de Saint-Pierre et de Saint-Paul, les dernières que Michel-Ange a peintes. Puis il finit sa ronde sur la place Saint-Pierre, seul, là où la journée, les touristes s'agglutinent. Mais la vie d'un garde suisse est contraignante, parfois éprouvante. La majeure partie du temps, il reste immobile à se faire photographier par les touristes. Il a le statut d'une statue. Il lui est interdit de découcher de la caserne et d'être en couple. Et la délation est encouragée pour arrêter tout contrevenant à ces règles. Il se trouve qu'après 3 ans et 5 mois passés au Vatican sous ce régime, Torné fatigué. Pire encore, Esterman ne l'aime pas. Alors le jeune garde est dépité quand, le 3 mai, il apprend la nomination de son ennemi à la tête de la garde. Et au dépit s'ajoute l'humiliation et la colère quand le lendemain, dans l'après-midi, il apprend que son nouveau commandant, Esterman donc, lui refuse la médaille qu'il attendait. Le mercredi 6 mai 1998, ce devait être jour de fête. Dans la cour du palais, on devait célébrer la remise de la Benemerenti aux gardes méritants. Mais les 99 soldats de la troupe amputée de l'un de ses membres gagnent l'église Saint-Martin en silence, le regard fermé, les yeux mouillés. Ils sont en tenue de gala, gants blancs, collerette et casque sous le bras. Les prélats des Saint-Siège sont là, eux aussi, tout comme la mère de Cédric Tornet. Sur l'autel, 3 cercueils sont alignés, identiques. On reconnaît celui d'Esterman, au casque à plumes qui a été posé dessus. Jean-Paul de s'agenouille et prie pour le repos de l'âme. La veille, le Vatican a donné sa version des faits. Il ne la changera pas. Et 9 mois plus tard, le 5 février 1999, il publie le communiqué suivant. Par décision en date du 5 février 1999, le juge instructeur du tribunal du Vatican, Gianluigi Marone, a conclu au classement des documents relatifs à la mort le 4 mai 1998 au soir du nouveau commandant de la garde suisse pontificale, le colonel Alois Esterman, de son épouse, Madame Gladys Mezzaromero, et du vice-caporal Cédric Tornet. Le coupable est mort, il n'y aura donc pas d'action pénale. Pour le Saint-Siège, le fait divers le plus grave de son histoire moderne est classé. Mais pour d'autres, l'affaire ne fait que commencer. C'è un po' di nebbia di febbraio. Fuori non c'è quasi nessuno. È un giorno triste, lungo e freddo, che tira avanti come può. Perché questa malinconia gira in città, mi gira intorno. Cosa mi ha bagnato il viso? È pioggia o pianto? Non lo so. E sembra un giorno come un altro. Il primo giorno senza te. Casa è tutto. come sempre. E suona il disco e tu sai, e brucia il fuoco nel camino. Il cane dorme accanto a me. Fuori fa freddo ed è febbraio. Sono le sette, fa già scuro. Fra poco è l'ora di mangiare. Ho messo il posto anche per te. E sembra un giorno. On l'a dit, et on l'a vu plusieurs fois à travers l'histoire, le Vatican n'est pas un modèle de transparence. Mais à force de toujours cacher les choses, et bien dès qu'il y a un problème sérieux, la thèse officielle du Saint-Siège est mise en doute, et les portes du fantasme peuvent s'ouvrir. On imagine alors des conspirations, des sociétés secrètes, des assassins impunis, autant de souverains poncifs. Laissez-moi vous présenter maintenant le père Gabriele Amorte. Il a 73 ans, il promène dans les couloirs du Saint-Siège son inquiétante silhouette. C'est un petit homme parfaitement chauve, aux joues tombantes, aux yeux creusés par la fatigue. Son air est placide, sa soutane impeccable. Et sur son passage, il laisse invariablement une impression troublante. Cet homme est l'exorciste du diocèse de Rome. Et du matin au soir, 7 jours par semaine, sans prendre de repos ni à Noël ni à Pâques, il pourchasse le diable partout où il croit le rencontrer, à coups d'eau bénite et de liturgie pascale. Le père Amorte a juste oublié que c'est dans le détail que le diable se niche un espace qui dépasse largement les frontières exiguës du Vatican. Mais non, le coupable de l'affaire des gardes suisses pour l'exorciste maison, c'est Satan, et c'est comme ça. En tout cas, pas de quoi rouvrir l'affaire. Au sein de la garde suisse, plus sérieusement, personne ne croit aux conclusions du juge Marone. Les gardes connaissent Cédric Tornet. Il ne s'est certainement pas suicidé. Et ce n'est pas lui qui a tué Esterman. Non, quelqu'un s'est servi de l'animosité entre Tornet et Esterman comme couverture pour éliminer le colonel d'ailleurs. Une rumeur court. Dans l'appartement, il y avait 4 verres posés sur la table. Pour qui était le 4e ? Pour l'assassin, le vrai. C'est notamment l'hypothèse de Giovanni Saluzzo, l'espion présumé du Vatican. Je ne peux pas vous donner l'identité de la personne qui a assassiné le colonel Esterman et son épouse, et ensuite Cédric Tornet, mais je suis intimement convaincu, pas uniquement psychologiquement, par quelques dossiers que j'ai, que Cédric Tornet n'a pas assassiné, mais qu'il a été assassiné par une tierce personne. Si Tornet a été assassiné, c'est qu'on en voulait Esterman. Pourquoi, par exemple, le poste de commandant de la garde est-il resté vacant pendant 6 mois avant que sa nomination ne soit acceptée? Y avait-il un obstacle à ce que cet homme accède à cette fonction? Le 6 mai, le surlendemain du crime, le journal allemand Berliner Courier publie un scoop et Suartre en parle quelques jours plus tard. Il y avait donc une taupe au Vatican. S'agissait-il d'un prélat, d'une nonne ? Non, l'espion du KGB était un garde suisse. Il avait infiltré l'armée du pape, il en avait gravi tous les échelons pour en devenir le chef, après 20 années de bons et déloyaux services. Alois Esterman aurait donc été l'homme des soviétiques auprès du Très-Saint-Père. C'est en tout cas la révélation, quelques jours après son assassinat, d'un journal polonais qui croit pouvoir appuyer ses révélations sur les archives de la Stasi. Le Vatican, bien entendu, a démenti l'information, la qualifiant de ridicule, mais aujourd'hui, Markus Wolf, l'ancien chef des services secrets est-allemands, soulève un coin du voile et confirme « Alois Esterman travaillait bien pour nous et depuis 20 ans ». Un dossier dormirait encore dans les archives de la Stasi, un dossier baptisé Werder, du nom de code de l'agent secret infiltré au Vatican. Aloïs Esterman était-il Werder? On ne le saura peut-être jamais. Mais certaines langues commencent à se délier place Saint-Pierre et rappellent que l'ultime promotion d'Esterman fut inexplicablement bloquée pendant plus de 6 mois. Autre question, son assassinat aurait-il quelque chose à voir avec ce passé trouble? Selon la thèse officielle, le colonel des gardes suisses a été victime de la folie meurtrière d'un subordonné jaloux. Esterman, ancien agent de la Stasi, si même Marcus Wolf le dit. En tout cas, la révélation est affriolante. Et puis, Marcus Wolf, tout de même, c'est lui qui, de 1958 à 1986, a dirigé les renseignements extérieurs de la police secrète de la RDA. Bien. Sauf que cette information ne s'appuie sur aucune preuve. Pas plus que les histoires de journalistes qui, pour vendre quelques livres, dévoilent de supposés secrets du Vatican, imaginent qu'Esterman était au courant de transferts de capitaux illégaux ou qu'il espionnait le pape pour le compte du GRU et qu'il aurait même organisé l'attentat manqué de 1981, celui-là même où il s'est jeté sur le pape pour le sauver. Même la mère du colonel se prête au complotisme en confiant dans un entretien « J'ai toujours su que ça se terminerait comme ça ». En vérité, la contre-enquête la plus aboutie vient d'une certaine Huguette Bauda, la mère de Cédric Tornet. En 2005, elle se souvient au micro de Xavier Pestugia pour France Inter. Il allait bien. Quand je suis allée à Rome, 2 jours après, déjà les mensonges avaient commencé un peu avant. C'est-à-dire, quand vous dites les mensonges, c'est-à-dire? Le chapelain voulait pas que je vienne à Rome, parce que moi je voulais voir le compte de mon fils, quoi. Pour être vraiment sûr, je voulais le voir. Le chapelain vient me dire que je pourrais pas voir le corps parce que comme il s'est tiré une balle, sa tête a explosé. Quand je lui dis ça a pas d'importance parce que j'ai pas besoin de voir sa tête pour connaître le corps de Cédric. Alors il me retéléphone pour dire qu'il est en état de décomposition avancée. Alors j'ai dit faut arrêter, hein. Vous êtes à Rome, hein. On n'est pas au Moyen-Âge, vous avez des frigos. Et ensuite quand j'arrive là-bas, je le vois, il est... On dirait qu'il dort. Il a les dents de devant cassées. De 2 mm de deux côtés, avec le coup de feu dans la bouche, les dents auraient explosé autrement. C'est si ça avait vraiment été les dégâts du coup de feu. Là, je me suis dit non, c'est s'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Pour cette mère effondrée, c'est sûr, son fils a été assassiné. De son village de Volège en Suisse, là où est enterré Cédric, elle proteste. Non, le comportement de son fils n'était pas anormal. Non, il ne consommait pas de cannabis. Et comment se fait-il qu'un ecclésiastique du Vatican lui ait suggéré d'incinérer le corps avant de le rapatrier? L'incinération n'est pas une pratique courante au Vatican. Pourquoi l'avoir proposé? Sinon, pour faire disparaître les preuves. Et la lettre, celle que son fils est supposé avoir écrite avant de tuer Esterman et sa femme, et de se suicider, à elle seule, cette lettre a fait de Tornet le coupable. Mais voici ce que dit sa mère. Donc on me montre cette lettre, et on me demande de l'authentifier en signant comme quoi c'est l'écriture de Cédric. Bon, je lis la lettre, elle est en français, je reconnais pas l'écriture. L'écriture, ça lui ressemble, mais c'est pas ça. Donc j'ai refusé de signer l'authentification de cette lettre. Vous avez fait faire une analyse graphologique, et qu'est-ce qu'a déduit cette analyse? Cette analyse déduit que c'est un faux. Cette lettre est destinée à Muguet Chamorel, c'est le nom qui est écrit sur l'enveloppe. Effectivement, la mère de Tornet s'est mariée à un homme du nom de Chamorel. Mais au moment des faits, elle en est divorcée, elle s'appelle Muguet Bauda, et jamais son fils ne l'aurait appelée autrement. Or, c'est sous le nom de Muguet Chamorel qu'elle apparaît dans les dossiers de Cédric au Vatican. Et ce n'est pas la seule bizarrerie. Certaines phrases sont incorrectes, comme si leur auteur ne parlait pas bien le français. Pourtant, sa langue maternelle. Il y est dans la garde suisse depuis 3 ans, 6 mois et 6 jours, mais il y est entré 3 ans, 5 mois et 3 jours plus tôt. En haut à droite, on lit Vatican le 4-05. 98. 4 mai. Ce n'est pas la façon dont il écrivait la date. Et puis, il évoque son lieutenant-colonel quand il parle d'Esterman alors qu'il savait qu'il avait été nommé colonel. Et il parle du pape alors qu'il utilisait toujours le mot Saint-Père. Enfin, il appelle sa sœur Melinda. Elle qui n'appelait jamais autrement que Dada. Et la lettre n'est même pas signée. Alors, Muguet Bauda. Bauda, on est convaincu. Il y a là enfoui sous cette affaire une vérité que personne ne peut confesser à qui que ce soit. Mais laquelle? Elle ne le sait pas. Nous sommes maintenant en 2002, 4 ans après les faits. Et pour prouver l'innocence de son fils, Madame Bauda fait appel à 2 avocats français, Jacques Vergès et Luc Brosselet, qui donnent de nouveaux éléments au micro de France Inter. Il y a tout un travail qui a été fait à partir de l'autopsie qui nous convainc d'une chose, c'est que Cédric a subi des blessures avant d'être tué par ce coup de feu mortel. C'est-à-dire des blessures, c'est-à-dire on a pu les identifier à quel endroit du corps ? Le rocher, c'est un os que l'on a de chaque côté du crâne, et qui est un os assez épais. Le rocher du crâne de Cédric est fracturé, pas par la balle qui n'a pas touché le rocher, et nous pensons donc que cette fracture du rocher est due à un coup reçu par Cédric avant d'être tué. Autrement dit, il est probable que Cédric a été assommé, tué et ensuite mis sur les lieux, c'est-à-dire avec l'intention déjà arrêtée de laisser croire, c'est une mise en scène, de laisser croire à un double meurtre. Oui, et l'autopsie montre autre chose. Le trou de sortie de la balle dans le crâne de Tornet correspond à un calibre 7 mm. Or, l'arme du garde est un 9 mm. Et comment Tornet aurait-il pu être retrouvé la tête penchée en avant après s'être tiré une balle dans la bouche ? Avec ces nouveaux éléments, les avocats pensent pouvoir ouvrir l'affaire. Eh bien, ils se trompent, parce que le Vatican reste imperturbable. Et il est vrai que même si tous ces détails accumulés peuvent faire douter de la culpabilité de Tornet, aucun d'entre eux n'est solide pour réellement semer le doute. Finalement, de toutes les théories développées, de la plus ésotérique à la plus crédible, aucune ne contredit sérieusement le jugement du 5 février 1999. Bon, pour les fantasmes, c'est un peu décevant, mais ce qui est peut-être la vérité la plus crédible apparemment, est la suivante, et elle ne manque pas d'intérêt non plus. Cédric Tornet a un lion tatoué sur l'épaule, c'est l'animal qui lui ressemble. Le jeune garde suisse est quelqu'un d'entier et de séduisant. Un homme souvent extravagant et par moments excessif. C'est lui qui s'occupe de l'équipe de foot des gardes suisses. Il joue aussi dans la fanfare, on le voit souvent dans la salle de musique de la garde, autour du piano, sur le terrain de basket, au baby-foot et au billard. Cédric est quelqu'un qui veut se faire remarquer, qui veut être reconnu. Il a une voix forte, grave, très reconnaissable. Alors quand le soir venu, les gardes suisses invitent clandestinement quelques camarades à jouer aux cartes et à partager des verres dans leur chambre, c'est son rire qui déchire le silence. Et c'est lui qu'on dénonce au commandement. Et c'est encore lui que le commandant par intérim Esterman prend en grippe. À première vue, parce qu'il découche de la caserne pour passer la nuit avec sa petite amie Valeria. Et parce qu'un jour d'avril, sa femme et lui passent devant ce jeune garde, assis nonchalamment sur un canon, cigarette à la bouche, sans daigner se mettre au garde à vous. Esterman entretient à l'encontre de Cédric une hostilité de plus en plus profonde. Car au fond, les deux hommes se ressemblent. Tous les deux viennent d'un milieu modeste, tous les deux cherchent la reconnaissance qu'ils ne doivent qu'à leur propre mérite. Alors, Esterman voit-il en Tornet un alter ego, un futur rival ? Car sous leur costume d'opérette, les gardes suisses ne sont pas forcément des poètes. Quoi qu'il en soit, Esterman s'acharne. Le garde suisse, Stéphane Sapin, en témoigne. Il faut situer ces deux individus. Esterman arrivant au sommet de sa carrière, prêt à occuper le poste le plus gratifiant, et Cédric, brûlé par la désillusion face à l'image qu'il s'était faite de la garde. Ces deux hommes sont sur un point de convergence. L'un va s'en aller avec la médaille, l'autre obtenir le commandement de la garde. Et c'est exactement ce qui se serait produit si l'outrage n'avait pas atteint son paroxysme. Tornet se sent brimé. Heureusement, son départ est proche. Fin avril, il quittera la garde et il épousera Valeria. La dernière chose qu'il désire avant de partir, c'est la médaille Benemerenti, le couronnement de 3 ans et demi d'efforts, le symbole de ces années éprouvantes qu'il a sacrifiées pour le pape. Il se trouve que cette médaille, après 3 ans passés à la garde, est une formalité, tous les soldats la reçoivent. La cérémonie a lieu le 6 mai. Cédric décide donc de repousser son départ de quelques jours pour terminer en beauté. Un prêtre du Vatican l'approche à la fin du mois d'avril. Il lui propose un entretien pour le Figaro, qui veut interviewer un garde le jour de la cérémonie. On l'appellera début mai pour fixer une date. Tornet et fou de fierté, non seulement il quittera la garde couvert de gloire, mais de plus, il aura droit aux honneurs de la presse. Mais le 4 au matin, le jour du drame, le jeune garde allait très tiré, les yeux rouges. Il est exténué. Voilà 15 jours qu'il n'est pas sorti de la caserne. Deux semaines qu'au lieu de lui accorder des journées de congé, le commandement lui ordonne d'être en faction tout l'après-midi pour le synode des évêques. Encore une punition d'Esterman, pense-t-il. Esterman, son ennemi qui vient d'être nommé commandant. Mais il ne lui reste que deux jours à tenir, c'est pas long, allez, plus que deux. La cérémonie approche, et il ne reçoit toujours pas de nouvelles du Figaro. Il ne désespère pas, mais la déception commence à poindre. D'ailleurs, il en parle à sa mère au téléphone. Et au moins, maman, lui confie-t-il, la benemerenti, ça je suis sûr de l'avoir. À 19h30, la liste des récipiendaires de la benemerenti est placardée dans la caserne. Torné revient de son service, s'approche pour vérifier que son nom y figure, bien sûr. Il n'y est pas. Non. Non, il a beau regarder 3, 4, 5 fois. Son nom n'y est pas. C'est le choc. Il croise Agar, un caporal, se ressaisit, le prend par le col et lui crie furieux : « Ils ne m'ont pas donné la médaille !» Et il s'en va, seul avec sa rage. Ses désirs de reconnaissance s'effondrent. Il n'y aura pas de médaille, pas d'interview. Il quittera la garde par la petite porte, celle des mauvais soldats. À 20h, blessé, fatigué, Cédric Tornet monte l'escalier de la caserne sans pouvoir contenir ses larmes. Il se réfugie dans sa chambre. Dans l'entrebâillement de la porte, un garde le voit griffonner une lettre, secouée de sanglots. À 20h45, il toque à la porte d'un ami et lui confie l'enveloppe. Il a glissé son SIG P75 dans la poche. Il se dirige vers l'appartement d'Esterman. Il est 20h50 quand il frappe à la porte du colonel. Sa femme, Gladys Mezza Romero, ouvre. Il l'écarte d'un bras, entre sans un mot. Aloïs Esterman est au téléphone. Il a à peine le temps de dire ouf que Tornet se campe devant lui et tire. Deux fois. Esterman s'effondre. Cédric se tourne alors vers la femme, la rate une première fois, mais pas la deuxième. Puis il s'agenouille. Il met le canon de ce pistolet de service dans sa bouche. Il attend quelques instants, puis il appuie sur la détente. Fin d'histoire. Tornet, victime d'une injustice professionnelle, ça paraît clair. Tous ses efforts pour rien, même pas une médaille. Tornet croyant en Dieu, manifestement, ça n'était pas réciproque. Mystère. Riaccendi la luce, chi c'era, lì nella tua voce. Produce un respiro, e come Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, triple meurtre au Vatican dont nous allons parler avec notre invité Frédéric Martel. Bonjour. Bonjour. Journaliste, écrivain, producteur de l'émission Soft Power sur France Culture. Vous êtes l'auteur donc de Sodoma, le livre Sodoma, enquête au cœur du Vatican, publié chez Robert Laffont en 2019. Vous avez enquêté pendant 4 ans sur l'homosexualité dans l'église catholique et particulièrement au Vatican. Et alors, après cette émission, nous publierons sur le site internet un texte de votre part, en fait un chapitre inédit de votre livre, donc consacré à l'affaire Cédric Tornet. Vous n'aviez pas la place pour en parler dans votre livre. Oui, le livre était un peu gros, j'ai dû le réduire. Par ailleurs, comme vous l'avez d'ailleurs très bien dit dans ce récit tout à l'heure, ça reste quand même très mystérieux. Et pour un journaliste comme moi, il fallait arriver à une conclusion. Je n'y suis pas arrivé, donc j'ai préféré écarter ce chapitre. D'autant plus que la question homosexuelle, on y reviendra peut-être, n'est pas centrale, même si elle a pu exister dans ce dossier. Bien, vous savez que parfois les journalistes, on est condamné aussi au mystère. On ne peut pas tout résoudre. Hein, le principal, c'est de se poser des questions qui pourraient nous emmener vers la résolution. On ne peut pas tout résoudre, mais vous avez 3 personnes qui sont assassinées, dont un jeune garçon, garde suisse, qui croyait au Vatican, qui croyait au catholicisme. Et ça se passe à quelques dizaines de mètres du bureau de Jean-Paul II. Oui, c'est une grosse affaire, bien sûr. Au-delà des hypothèses, on va y revenir, ce qui, moi, me choque profondément dans ce dossier, c'est comment il a été bâclé par la justice vaticane. Comment le béaba de la procédure, que ce soit au niveau de la police, qui n'existe quasiment pas au Vatican, que ce soit au niveau de la justice, qui n'est pas compétente, montre que ces victimes, quelle que soit d'ailleurs la réalité, qu'on peut-être on ne connaîtra jamais, sont mortes sans qu'on sache, et sans que éventuellement le coupable ne soit jugé. Et s'il y avait une demande qu'on pourrait faire, et je suis sûr que vous serez d'accord avec ça, c'est que si le pape François était sincère dans sa volonté de justice, il faudrait réouvrir ce dossier parce que lui, il a forcément accès à la réalité du dossier. Alors que ce soit révoltant, c'est une chose, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'Église, vous le rappelez, n'est pas une institution démocratique, l'Église catholique du Vatican, qui n'a peut-être pas un état de droit comme nous, on l'entend. Donc, dès lors que ça pose un vrai problème sur la réputation du Vatican et de la garde suisse, est-ce que vous êtes vraiment étonné? On ne sache pas. Oui, je suis étonné parce qu'on peut on peut mentir sur une dérive particulière. Là, il s'agit de meurtre. Enfin, l'Église catholique nous a appris qui ne tuera point, qu'il ne faut pas tuer. Donc, et là, quelqu'un a tué. Est-ce que c'est Cédric Tornet? Est-ce que c'est une machination plus complexe? On va y revenir. Mais je trouve qu'un crime. En plus, la victime principale, c'est le commandant de la garde suisse, c'est-à-dire l'institution qui protège le pape. Ouais. Donc, au-delà même de ces personnes, il y a aussi la sécurité du pape qui était en jeu, le cas échéant, si tant est que des hypothèses liées au service secret, à la franc-maçonnerie ou à l'Opus Dei, je ne sais quoi. Dans tous les cas, c'était important aussi de savoir. Alors, on va balayer les hypothèses. Vous écrivez, là je vous cite, ce que les auditeurs pourront lire dans une petite heure, ce qui est possible, dites-vous, c'est que Cédric Tornet ne se soit pas suicidé, mais qu'il ait été assassiné. Ce qui est certain, c'est que la version officielle du Vatican ne peut pas correspondre aux faits tels qu'ils se sont déroulés. Alors, il y a un certain nombre d'indices comme ça. L'arme du crime, le calibre des balles déjà. Oui, vous les avez évoquées. L'arme du crime retrouvée sur place ne semble pas pouvoir être celle qui a tué Cédric Tornet. Le calibre des balles, la trajectoire balistique, le suicide paraît relativement difficile à imaginer, en tout cas presque impossible. Les 4 verres utilisés. Ah oui, les 4 verres. Ça, c'est incroyable. Bon, 4. Il y a 3. Il y en a un qui peut servir de whisky, pourquoi pas. Mais on voit bien que aussi, vous ne l'avez pas cité, mais plusieurs gardes suisses ont démissionné immédiatement après cette affaire. Comme beaucoup, enfin, ils sont une centaine, quoi. Oui, une centaine, le 3-4 d'après. Alors, est-ce que c'est tout de suite? Certains, c'est un peu plus tard. Mais on a l'impression que certains nombre de gens n'ont pas accepté la décision, au fond, de clore ce dossier, de considérer que Cédric Tornet était le criminel et de tourner la page. Et la loi du silence, n'ont pas accepté. Alors, du coup, je le dis aussi, à force de ne rien dire, c'est la machine à fantasmes qui se met en route. Oui, mais c'est aussi... ce qui est intéressant aussi, c'est que cette affaire révèle que nous sommes face à une organisation, vous le dites, c'est pas un état de droit, bon, dont acte... Tel qu'on l'imagine, nous, qu'on le connaît. Il y en a d'autres dans le monde, au Venezuela, Cuba, même en Russie, en Chine, etc. Mais le point principal, c'est que c'est pas un état de droit, mais malgré tout, une une hypothèse est donnée, une solution est apportée. Sauf que cette solution est contredite d'abord par cette lettre. Je pense que c'est l'un des témoignages les plus incroyables. Cédric Tornet, peu avant de se suicider, écrit une lettre à sa mère où tout est faux, y compris le nom de sa mère, de sa sœur, y compris, je dirais même, la calligraphie, la signature, les majuscules, le patronyme, tout est... Toutes ses habitudes, on ne les reconnaît pas. Déjà, cette lettre semble être un faux. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait un faux ? S'il y a un faux, ça veut dire que les choses ne se sont pas déroulées comme on le dit. Bah oui. Alors, parmi les rumeurs, triple meurtre résultant d'une bataille entre l'Opus Dei et le clan maçonnique au sein de la Curie, faut rappeler quand même que l'Opus Dei est la faction conservatrice de l'Église, très conservatrice, et que le DIRCOM, comme je l'appelle avec un peu d'irrespect, appartenait à l'Opus Dei d'ailleurs. Oui, Joaquin Navarro-Valls, qui est à l'Opus Dei, qui est d'ailleurs soupçonné aussi d'être lié à un certain nombre de mafias. Il peut éventuellement, c'est pas prouvé, mais être homosexuel, donc c'est quelqu'un de complexe. Et il est évident que l'Opus Dei et les clans maçonniques sont présents au Vatican. Cette hypothèse ne me convainc pas une seconde, cependant. Pourquoi ? D'abord parce que l'Opus Dei n'est pas une organisation criminelle. Elle n'est pas connue, elle a plein de défauts, on peut ne pas les aimer, c'est mon cas, mais ce n'est pas une organisation criminelle. Et d'autre part, si l'idée était que l'Opus Dei serait plus puissant avec la nomination d'Alois Esterman comme commandant de la garde suisse, c'est une hypothèse qui ne tient pas, puisque l'Opus Dei est extrêmement puissante sous Jean-Paul II. On le sait déjà par le directeur de sa communication, Joaquin Navarro-Valls, mais par tout un tas. Jean-Paul II a toujours favorisé l'Opus Dei, que ce soit au Vatican, en Italie, en Amérique latine par exemple. Donc, il n'y avait pas de risque qu'elle soit plus puissante. Dernière hypothèse, alors, celle-là était affriolante, le coup de la Stasi. Oui, les services secrets, d'ailleurs, une hypothèse a été faite aussi sur les services secrets vénézuéliens, puisque Gladys, la femme d'Alois Esterman, est du Venezuela. Absolument. On a parlé des services américains, d'ailleurs, des services russes, etc. Bon, d'abord, premièrement, qu'il y ait des services qui s'intéressent au Vatican, c'est évident, et ça a toujours été le cas. D'autre part, pourquoi les services... dans tous les cas, même si tout ça peut être vrai, franc-maçonnerie, services secrets, Opus Dei, d'autres, il n'y a pas de raison de l'assassiner, si vous voulez. Il n'y a pas une raison particulière. Moi, je crois beaucoup plus à une hypothèse qui ferait soit d'Esterman a été nommé là pour nettoyer les écuries d'Ojas. Voilà, quelque chose qui posait problème. Mm-hmm. Quelle est cette chose? Ça peut être des affaires financières, et donc là, il y a une vraie hypothèse autour des scandales, autour de la Banque du Vatican, ce qu'on appelle l'OIR, avec la Banque Ambrosiano, un peu plus tard, où il y avait déjà eu deux morts, sans doute, peut-être deux assassinats. Ça, c'est des accusations de blanchiment d'argent, ça, alors, quand on parle de ça. Blanchiment, et aussi de lien avec la mafia, évidemment. Oui. Et l'archevêque américain, qui s'appelle Paul Marcinkus, par ailleurs homosexuel, homosexuel notoire, voyou un peu notoire également, franc-maçon sans aucun doute, traducteur de Jean-Paul II, garde du corps de Jean-Paul II, et très proche ami de Jean-Paul II, est mêlé à cette affaire puisqu'il est aussi ami avec Cédric Tornet. Mais c'est pas non plus très concluant, sauf à penser que Cédric Tornet se retrouve là un peu par accident, est assassiné parce qu'il faut un alibi à ce crime. Je précise que la franc-maçonnerie dont on parle est celle probablement de la loge P2. La loge P2. Proche de la loge P2, qui est une loge sauvage, pas reconnue par les institutions officielles de la franc-maçonnerie. Oui, mais encore une fois, bon, d'abord, outre que de la même manière que l'incinération n'est pas acceptable par le catholicisme et le Vatican, la franc-maçonnerie non plus. Donc, encore une fois, toutes ces hypothèses peuvent avoir une part de vérité, comme d'ailleurs aussi l'existence d'un réseau de prostitution qui est avéré, qui concerne des cardinaux très influents autour de Jean-Paul II. Est-ce que, pour une raison ou pour une autre, Alois Esterman était chargé de vouloir nettoyer ça aussi? Pourquoi pas? Mais encore une fois, un assassinat de cette nature-là, de trois personnes à l'intérieur du Vatican, ça a un coût, je dirais, politique beaucoup plus grand, sans doute, que tout le reste. Tout le reste. Frédéric Martel, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Jean-Louis Murat, arc-en-ciel, et on parlera de la question homosexuelle, parce qu'au Vatican, et dans l'Église catholique, l'homosexualité est une question. C'est toujours une hypothèse également. Et c'est donc une question, alors que dans l'espace public, en tout cas chez nous, ça n'est pas. L'homophobie est une question, pas l'homosexualité. Je suis parti comme tu le sais à l'improviste. Pas eu le temps non de faire mes adieux. L'instant fut bref, puis vint encore plus vite la flèche de lumière qui te perça le cœur. Si l'arc-en-ciel est messager d'amour, pourra-t-il un jour te retrouver? Avec les couleurs, peut-on effacer la plus avilissante des misères? Je suis devenu un coucher de soleil. Je parle comme les feuilles d'avril. Je vis enfin dans chaque voix sincère. Avec les oiseaux, je vis le chant subtil. Ici, mon chant le plus beau, le più denso, ne s'exprime que dans le silence, mis à sensation. Tellement de choses que je n'ai pas comprises, qui passent comme étoiles filant dans mon cœur. Ai-je jamais eu du plaisir à porter cette valise infinie? Écoutes-tu toujours la musica vera et cherches-tu toujours à comprendre? Chaque voix sincère. Avec les oiseaux, je vis le chant subtil. Ici, mon chant le plus beau, le più denso, ne s'exprime que dans le silence, mis à sensation. Mi manchi tanto, amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Écoutes-tu toujours la musica vera et cherches-tu toujours à comprendre? Écoutes-tu toujours la musica vera et cherches-tu ses poils décapillés? Écoutes-tu toujours la musica vera et cherches-tu ses poils décapillés? Donc, Frédéric Martel, quelle place occupe la question homosexuelle au sein du Vatican dans cette affaire? Alors, la question homosexuelle joue une place centrale au Vatican en général. Dans cette affaire, il y a eu des hypothèses nombreuses. D'abord, d'une relation secrète, d'amour maudit entre justement Cédric Torné, jeune suisse francophone, garde suisse, très beau, magnifique, et Alois Estermann, son commandant. Ce qui est très amusant dans ce genre de dossier, c'est que j'ai rencontré un grand nombre de responsables à l'intérieur du Vatican qui m'ont décrit ça, dont certains qui sortaient dans des soirées gays d'ailleurs avec Cédric Torné. Or, j'ai un témoin de première main qui me certifie que Cédric Torné était gay, et ça se savait, et qu'il avait une relation avec Estermann. Un autre, encore plus sérieux, extrêmement sûr comme témoin, qui me garantit que ce n'est pas exact. Donc, on ne peut rien conclure non plus sur ce dossier. Est-ce que cela a pu être une vengeance de dépit amoureux? En tout cas, même si la relation existait, elle n'explique pas davantage le crime. Et je dirais qu'on a là une explication, dans tous les cas, que partielle. Mais pensez-vous quand même que le fait de ne pas avoir eu cette médaille, le fait que Estermann ait fait une vie pas possible, et sans question homosexuelle, parce qu'officiellement, dans le récit, on n'en parle pas comme ça, parce qu'on reprend la thèse officielle, ça peut tenir quand même, malgré tout, cette thèse officielle? Pour moi, assez peu. D'abord parce que le dossier est pipoté. Cédric Torné, on le présente comme quelqu'un finalement de malade. On dit que c'est un finalement comme s'il était criminel en puissance. Et en plus, il était drogué. Or, tous les témoignages de ses collègues expliquent qu'il ne se droguait pas, même s'il a pu prendre du hashish, comme un peu tout le monde d'ailleurs au Vatican. Et surtout... Ah bon? Oui, parce que c'est aussi... Il y a eu beaucoup de drogue au Vatican. C'était aussi une place tournante à certaines époques. Mais plus sérieusement, en réalité, tout ça est inventé après coup pour nous montrer, pour expliquer ce crime. Alors, deux personnages sont importants tout au long de cette histoire. D'abord parce que hiérarchiquement, ils sont très importants. Baptiste Arrey, qui est un peu le ministre de l'Intérieur de Jean-Paul II à l'époque, et surtout Angelo Sodano, alors qui lui est son premier ministre. Absolument. On peut le dire. Quel rôle ont tenu ces deux personnes dans cette affaire? Tout est piloté par le cardinal Rey, qui à l'époque n'est pas encore cardinal, et par Angelo Sodano, cardinal, l'homme le plus puissant du Vatican. J'ai interviewé longuement Rey à ce sujet, il m'a confirmé la thèse que vous avez évoquée. Ce qui est clair, c'est que Sodano est habitué aux affaires louches. Il a été extrêmement proche lorsqu'il était nonce au Chili d'Augustin Pinochet, donc c'est un cardinal, une légende noire l'accompagne. Toutes les affaires aujourd'hui de pédophilie à travers le monde remontent à Sodano parce qu'il a protégé la plupart des prêtres, des évêques ou des cardinaux accusés, selon d'ailleurs une règle, là, il s'en est toujours, je dirais, presque vanté en expliquant que ce n'est pas aux hommes à juger les prêtres et les évêques, mais à Dieu, et donc c'est pas aux justices locales. Problème d'ailleurs de la justice locale. Sodano décide de ne pas faire appel à la justice italienne. Il décide que ce sera un juge, en l'occurrence une procédure fantaisiste, qui sera suivie par le Vatican pour regarder ce qui s'est passé dans ces trois crimes. Il n'y a pas de séparation de pouvoir entre le pouvoir exécutif. Donc on n'est pas dans un état de droit. Pouvoir exécutif et justice au Vatican. Et d'ailleurs, tout ça nous montre aussi de loin tout ce qui s'est passé sur les abus sexuels. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais vraiment juger. Il n'y a pas la police scientifique, il n'y a pas les lois qu'il faut, et surtout, il n'y a pas les juges qui sont capables. Il n'y a même pas la cellule. Si on veut mettre quelqu'un en prison, il n'y a pas de prison. On ne peut pas le mettre. Lorsque certains ont été arrêtés, on les enfermait à clé chez les dominicains avec une surveillance très, très réduite. Mais je terminerai peut-être par un point très important, c'est qu'Angelo Sodano a parlé finalement sur cette affaire. Oui. Deux jours après l'assassinat, lorsque les corps vont être enterré, le 6 mai 1988, Angelo Sodano organise dans la chapelle Saint-Martin du Vatican une cérémonie d'hommage aux trois victimes. Jean-Paul II vient, on le voit, les images l'attestent, il y a des chandeliers allumés, de nombreux bouquets de fleurs, le pape prie en silence, à genoux, devant les trois corps, l'un à côté de l'autre. Alors, de deux choses l'une, ou les trois corps, il faut les honorer, ce qu'ils font, ou alors il y en a un qui a tuer les deux autres, et on peut pas les honorer en même temps. On n'imagine nulle part, si vous avez un terroriste qui a tué des gens, qu'on commémore en même temps le terroriste et ses victimes. Mmh. Or, c'est ce qu'Angelo Sodano organise et que le pape fait. Comme si, en son fort intérieur, il savait très bien le fin de l'histoire, c'est-à-dire, dans tous les cas, il est certain que le cardinal Sodano, ancien doyen du Collège des cardinaux, patron de toutes ces affaires, connaît les choses et qu'il veut cacher des choses qu'il sait. Peut-être même qu'il devine que Cédric Tournai, victime innocente, a été, en fin de compte, suicidé. Ce sera le mot de la fin. Et je voulais parler de pape François, on n'a pas eu le temps, si on l'a évoqué. On l'a évoqué, on verra. Il faudrait qu'il réouvre le dossier s'il aime la justice. Voilà. Merci infiniment, Frédéric Martel. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui Meurtre Vatican, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter, franceinter.fr, donc, pour toute information complémentaire à notre émission, et si le cœur vous en dit, pourquoi pas, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.